Coucou Frédéric, salut à toute l'équipe de Blockbuster. Merci beaucoup pour votre émission sur Jules Verne, c'était vraiment génial. Personnellement, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour 20 milieux sous les mers que je regardais quand j'étais petit. Donc une petite dédicace à tous les connaisseurs. Une histoire de baleine, c'est ça les gars, une histoire de baleine ou deux. Mes amis, bien vite, vous serez mes gravis. Histoire de demain, vous prendrez. Histoire de baleine aux grandes dunes, une histoire vraie malgré tout. Salut Blockbuster, ici Sabrina et Thomas qui a 9 ans. En fait, on fait la route des vacances et en fait, on se retrouve à écouter des anciens podcasts et des nouveaux. Et donc, on est sur l'appli France Inter et on adore parce qu'on a écouté Les Goonies, on a écouté Retour au futur, on a écouté Animal Crossing, on a écouté Rocky. Bah, on s'éclate en fait et la route passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite avec un peu de musique et beaucoup de pop culture. Voilà, merci pour l'émission, à très vite. Bah, merci pour votre émission sur Jules Verne, c'est vraiment un super écrivain de la pop culture. J'ai appris à lire avec Jules Verne. Et là, en ce moment, j'ai 40 ans, je suis en train de tous les relire. Et je trouve que ça, c'est vrai que ça a vieilli, mais c'est quand même super bien, quoi. Eh, hey, Manu, tu descends. Et pourquoi faire? Bon, pour écloter Blockbuster sur les inconnus. To be or not to be, not to be. Hier, on a appris que Scarlett Johansson, l'interprète de Black Widow, la veuve noire, attaquait l'entreprise Disney en justice. Scarlett, elle s'est chauffée sur Thanos dans Avengers, maintenant elle est prête à se taper le vilain ultime, Mickey. Scarlett Johansson, qui est coproductrice de Black Widow, un film actuellement sur nos écrans, qui a quand même mis 10 ans à voir le jour tant certains pontes de chez Disney ont longtemps été opposés à l'idée de mettre des héroïnes en avant, devait logiquement ne sortir qu'au cinéma. Scarlett, elle, devait être rémunérée en fonction du nombre d'entrées. Et quand on connaît le box-office des films Marvel, je pense que Scarlett pouvait décemment commencer à consulter le catalogue des petites îles à acheter. Mais il ne vous aura pas échappé qu'aller dans une salle de cinéma n'importe où sur la planète est devenu bien plus compliqué en ce moment. Du coup, Disney, dans un souci d'enrichir ses actionnaires, dans un souci d'offrir du divertissement de qualité par ces temps troublés qui nous affectent tous, a décidé de sortir le film en même temps sur sa plateforme Disney+. Tout ça aurait pu se négocier avec Scarlett, mais il semblerait que Disney ait décidé de gérer l'actrice comme ils ont géré son personnage. 10 ans à faire des gros plans sur son boule et à la fin on te fait crever sur une planète déserte, sans funérailles et qu'on n'en parle plus. Sauf que maintenant, comme l'a dit Adèle Haenel, les actrices, eh bien elles se lèvent et elles se cassent. Et quand on s'appelle Scarlett Johansson, on se lève et on fait un casse. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Youpi matin, un, deux pour matin, un, youpi matin, youpi. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas, moi, descends. Auteuil ne y passe, c'est pas du gâteau. Auteuil ne y passe, tel est notre ghetto. Prends-toi en main, c'est ton destin. Ah mort, lui croivez bâton. Ah mort, lui croivez bâton. Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. C'est pour ça que je vous le dis. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Dès qu'il s'agit de parler d'humour, le meilleur moyen de prouver qu'on n'a pas dû beaucoup aller au théâtre ces dernières années, c'est de parler de Pierre Desproges et de Coluche. Pourtant, c'est oublié que depuis, nombreux sont celles et ceux qui ont marqué l'histoire de l'humour français, et notamment un groupe d'humoristes qui a littéralement cartonné sur tous les supports, sur scène, au cinéma, au top 50, je veux bien évidemment parler des inconnus. Et pour revenir sur ce trio culte, j'ai plein de copains avec moi. Jessie Varin, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes directrice artistique de La Nouvelle Scène, une péniche salle de spectacle qui fait aussi bar et restaurant, et vous êtes également la productrice du podcast Pompon Culture. C'est ça. Avec nous, et je suis ravi, une collègue, Christine Béroux, oui, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes humoriste, on peut vous voir au Paname Comedy Club, vous êtes aussi chroniqueuse pour la chaîne Teva et autrice. Vous avez entre autres publié l'essai Écrire un one-man show et monter sur scène aux éditions Erol, et vous êtes en tournée avec le plateau 100% féminin de Please Stand Up aux côtés de Nicole Ferroni, Laura Demange et Marie Rémy. Tout à fait. Avec nous, Alors lui, je ne le connais pas, mais je suis ravi de le rencontrer. Hugo Alexandre, bonjour. Bonjour et enchanté. Vous êtes journaliste spécialisé dans les comédies françaises et vous êtes le coproducteur de la chaîne YouTube Calmos, où vous disséquez l'humour dans les comédies avec votre camarade David Honora. Et on a pu vous entendre comme chroniqueur pour le podcast We Love MDR. C'est ça. Évidemment, les auditeurs le connaissent. Il a sa chaise à son nom. Dedo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Mais très très bien. Vous êtes humoriste et vous jouerez votre spectacle Princesse Leia au Festival Décibule le 17 et le 18 septembre à la Maroquinerie à Paris, avant de partir en tournée à partir de septembre. Mais je pense que les auditeurs ont fini par bien comprendre. Parce que le Décibule s'est passé, mais effectivement le 17 et 18 septembre à la Maroquinerie avec les Princesses Leia. Oui, mais j'aime bien aussi annoncer les dates qui ont déjà eu lieu. Ouais, mais j'ai vu. C'est une grande spécialité. Un petit clin d'œil à Zemeckis pour Retour vers le futur. Hein, on aime exactement. Toujours. Ensemble, on va retracer le parcours de ces grands noms de l'humour, de leur début sur scène au sommet du box-office. C'est quoi le style des inconnus? Qu'est-ce qui fait que génération après génération leur sketch continue de demeurer pertinent? Bref, on va se poser des questions sur l'héritage des inconnus. On ne va pas se mentir, c'est surtout un gros prétexte pour pouvoir les réécouter. Après Rocky IV et Rambo III, le nouveau Stallone, Jésus II, le retour. Simon, oui. Tu l'as vu ce matin au marché? Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Christine Béroux. Que représentent les inconnus dans cette grande galaxie des humoristes? C'est une Madeleine de Proust. Là, je me revois à la télé, enfin devant la télé à 6-7 ans à regarder la vie de Jésus, tout en faisant du caté dans mon école catholique et en disant que les deux versions sont tout à fait possibles. Mais oui. Et complémentaires, pourquoi pas? Et c'est drôle parce que quand on m'a demandé de venir ici, je me suis dit, mais c'est fou, les inconnus, ça n'a pas vieilli. Mais en fait, ce sketch, aujourd'hui, est-ce qu'on l'accueillerait de la même manière sur la vie de Jésus qui distribue des pains? Ça, je ne sais pas. Je pense que le fait qu'il soit déjà validé comme sketch culte fait qu'aujourd'hui, on ne revient pas trop on dessus. N'y touche plus. Mais je suis pas sûr que si jamais un nouvel humoriste se lançait pour faire de la même manière, ça ferait peut-être un petit peu jaser. Il y avait les nuls qui avaient fait Hyperglue 4 à l'époque dans une fausse pub. Pareil, je pense que ça ne passerait pas, sachant que c'était la colle qui avait permis au Christ de pouvoir tenir sur la croix. Sur la croix. Un peu compliqué peut-être. De nos jours, on ne sait pas. Et justement, en fait, comment sont nés les inconnus? Parce qu'initialement, ils ne s'appelaient pas comme ça, Dedo. Non, ils s'appelaient, si je dis pas de bêtises, les 5. Et en fait, ils se sont rencontrés plus ou moins au moment du Théâtre de Bouvard, qui était une émission assez culte de l'époque, où, un peu à l'image de certaines autres émissions un peu plus actuelles, il y avait des troupes ou bien des solistes qui faisaient des sketchs devant un public, en l'occurrence aussi composé de Bouvard. Et là, de là est née un petit peu leur aventure. Et puis au fur et à mesure, il y en a qui sont partis. Smaïn est parti faire une carrière solo parce qu'il a fait partie avec Seymour Bruxelles des Inconnus. Ils ont quand même commis un film ensemble. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas s'ils l'ont vraiment fait, le Factor sonne toujours. C'est ça, le Factor sonne toujours deux fois. Le téléphone oui, parce que moi je parle de fois. Ils l'ont fait, et je me rappelle l'avoir vu à l'époque, j'étais encore à Nancy, à RTL, un soir, avec un homme taupe, c'est-à-dire qu'il poursuivait un criminel qui faisait la taupe comme ça. Ah, ça spoil un peu, là. C'était complètement fou. Ouais. Mais c'était drôle. Ils se cherchaient un peu, disons. Ils se cherchaient. Et effectivement, les inconnus étaient bien plus nombreux. Ils étaient cinq. Et ils se sont vite retrouvés quatre. Et à ce moment, ils s'appelaient les quatre quarts, je crois. Oui, quatre quarts, et vite trois. Et en fait, je pense que c'est juste que Smaïn et Seymour Bruxelles, ils avaient des volontés de one-man show tout seul. Et du coup, je pense que c'est pas plus mal qu'ils aient quitté le groupe parce que du coup, il y avait moins cette cohésion de groupe. Et c'est peut-être pour ça que ce film paraît peut-être un peu plus diffus et un peu plus bancal que ce qui a été ensuite les Trois Frères et les autres films. Mais ce qui est fou pour l'époque, c'est qu'on a donc des humoristes qui participent à une émission populaire, le Théâtre de Bouvard, qui, dès la sortie, se lance dans un long métrage. Il y avait quand même une sorte de sas de décompression qui arrive assez vite, en fait. Ouais, je pense qu'au fond, ils ont toujours voulu faire du cinéma. D'ailleurs, ils ont tous les trois des formations de comédie classique. Enfin, c'est des comédiens à la base. Et je pense qu'ils auraient forcément fini par faire du cinéma. Et justement, je crois qu'au départ, ils voulaient le faire avec Bouvard. Et Bouvard n'était pas trop chaud pour le cinéma. Lui, son truc, c'était vraiment les humoristes, l'humour, le petit théâtre de Bouvard. Et donc très vite, ils se sont émancipés de ça pour faire du cinéma. Bon, après, il y a quand même 10 ans entre le téléphone sonne toujours deux fois et les Trois Frères. Mais ça a toujours été une volonté pour eux. Donc ils ont commencé à maîtriser leur humour par d'autres canaux. Et après, comme tu disais tout à l'heure, ils ont envahi tous les canaux, que ce soit le top 50, le box-office et même les Césars. Et en fait, le nom des Inconnus, c'est un pied de nez au rapport qu'ils avaient avec Philippe Bouvard, qui a modérément apprécié qu'ils utilisent le terme les cinq. Ils étaient connus comme ça au théâtre de Bouvard. Et il a dit, mais ce nom-là ne vous appartient pas. C'est à moi. Donc, vous ne vous appellerez pas comme ça. Et de toute façon, personne ne vous connaît. Et d'où les Inconnus. Beau pied de nez, effectivement. Ouais, c'est dommage, il aurait pu justement faire la promotion justement de sa promotion, parce que c'était quand même une émission un peu culte, révélateur de talent de l'humour à l'époque. Je crois que peut-être qu'il a un petit peu sous-estimé leur potentiel. Après, c'est peut-être des velléités de mogul de vouloir justement un petit peu tout contrôler. Ouais. Mais justement, c'est un peu vers ça que je veux vous emmener. Et c'est-à-dire que là, on parle quand même d'humoristes qui sont apparus comme ça dans le paysage médiatique à la fin des années 80. Et on est déjà dans un schéma un peu particulier, et dans lequel il y a un faiseur, un producteur. Là, en l'occurrence, en premier lieu, ça a été Philippe Bouvard. Un peu plus tard, ils auront de nouveau le même souci avec Lederman. Est-ce que c'est une sorte de passage obligé dans l'humour de passer par des énormes personnalités comme ça qui décident ou non, voilà, vous pouvez utiliser tel ou tel nom, vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça. Est-ce qu'on a moins de liberté ou plus de liberté quand on est humoriste que quand on est chanteur ou autre? Par rapport à un produit, tu veux parler, Christine? Écoutez, oui. Non, je veux dire qu'avec le web, les règles du jeu ont changé, puisque maintenant, avec YouTube, etc., on peut tous être maître de sa propre carrière. Je pense qu'à l'époque, c'était différent. On était tributaire des médias, alors qu'aujourd'hui, on peut être son propre média. Et ça fait toute la différence. Je vous laisse la parole. je vais un peu rejoindre un peu ce qu'elle dit. C'est vrai que maintenant, du coup, les règles ayant changé, sachant qu'on peut soi-même produire du contenu et le diffuser massivement sur des réseaux sociaux, par exemple, fait qu'on peut très vite construire une base sans passer par des gens qui veulent contrôler l'artistique ou quoi. Et que du coup, massivement, on peut avoir les mêmes personnes dans les salles si elles ont aimé ce que tu as fait. Donc c'est vrai que l'économie a changé, la façon de produire justement a changé, et c'est pour ça que de plus en plus de gens assez rapidement, s'ils le peuvent, se permettent de devenir leur propre prod pour pouvoir justement garder ce contrôle là et éviter d'avoir ces problèmes là avec des personnes type Lederman qui avaient déjà eu des petits problèmes avec Coluche aussi par rapport à les questions de contrat. Il est coutumier du fait, monsieur Lederman. Et quand on regarde le début de carrière d'un groupe d'humoristes, il y a toujours ce moment où on se retrouve dans une salle et où personne vient. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des salles de 2000 avec 40. Donc là, je m'adresse aux professionnels. Je pourrais en parler aussi, hein, évidemment. Mais comment on vit ces moments de début de carrière où on se dit, est-ce que j'ai bien choisi mon orientation professionnelle là actuellement, quand on se rend compte que des fois on est plus nombreux sur scène que dans la salle. Vous connaissez le déni? C'était ma méthode. Oui. Voilà, après la dépression, mais je ne sais pas si je vais en parler. Mais du coup, ça fait de très bons spectacles. Oui. Mais après, on nous dit, mais c'est un passage obligé, et sur le coup, on n'a pas envie d'y croire. Et puis sur le long terme, on fait, bah oui, c'était un passage obligé, bien sûr. Qui est arrivé et a cartonné tout de suite, à part Dedo? Je ne vois pas. Non, non. J'aurais aimé dire oui, c'est vrai, mais non. Non, non, moi j'ai des souvenirs de... avant de... on va dire de me faire connaître un peu médiatiquement via le Jamel Comedy Club, je jouais encore dans des petites pièces de théâtre payées au chapeau, et je me souviens qu'un 31 décembre, on était effectivement 6 dans la distribution et 4 dans la salle. Donc il y a quand même une sorte de mise en abîme intéressante à se dire, je crois que le suicide est peut-être une opportunité. Et il y a une règle justement au théâtre, c'est de se dire, on joue à partir du moment où il y a plus de monde dans la salle que sur scène. Voilà. Sauf que pour le stand et le seul en scène, évidemment, à partir de 2, on joue. Moi, je crois que j'ai déjà vu l'époque, quand j'ai commencé au Point Virgule, un comédien jouer devant 2 personnes. Et après aussi, pour rassurer... On embrasse Olivier de Benoît qui nous écoute. Pour rassurer par rapport à la nouvelle scène, je vais citer un humoriste qu'on adore à France Inter, donc Guillaume Meurice ou même Blanche Gardin, tu vois, qui a commencé quand, juste par curiosité, on s'est remis sur les premières séances de leur spectacle, je te parle de ça, il y a 8 ans. Et oui, tu regardes les chiffres, il y a 20 payants, une quinzaine d'invites pour faire un petit peu le bouche à oreille, et puis quand il y a du talent, ça s'accélère rapidement. Mais oui, c'est. Et qu'est-ce que vous dites, Jessy Varin, un artiste qui pleure? Ouais. Et justement, de l'importance de bien s'accompagner humainement. Alors, au-delà, parce qu'il y a des producteurs qui le sont aussi beaucoup, mais d'avoir quand même vachement de soutien humain, moral, des gens qui croient en ton travail, des directeurs de salle qui croient aussi à ton travail. Les chiffres et que Blanche Gardin, il y a 8 ans. Voilà. Et que les choses prennent du temps. Et des inconnus. Sur l'histoire des 40 personnes dans une salle, dans une salle de 1000 places, j'ai entendu Bourdon dire qu'il y avait 40 personnes, mais c'était des personnes qui riaient énormément, donc qu'ils étaient finalement assez confiants. Ils disaient, si quand il y aura 400 personnes, bah, ce sera génial. Bon, il y a encore que 40 personnes. Après, peut-être qu'il raconte cette histoire a posteriori, avec le recul et tout, et peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être pas dans cet état d'esprit-là. Alors, Les Inconnus, c'est des succès sur scène, mais c'est aussi un enchaînement de tubes musicaux tels que Isabelle a les yeux bleus, Auteuil une égypatie ou vice-versa, que l'on écoute maintenant. L'hémorragie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire du temps qui se passe, contre duquel on ne peut rien. Être ou ne pas être, telle est la question sinusoïdale de l'anachorète hypochondriaque. Que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués, et vice versa. Et vice-versa. Il faut que tu arriveras à laminer tes rancœurs dialectiques, même si je suis convaincu que c'est très difficile. Mais comme moi, dis-toi qu'il est tellement plus mieux d'éradiquer les tentacules de la déréliction. Et tout deviendra clair. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours destitués. Et vice versa. Et vice versa. D'où venons-nous? Où allons-nous? J'ignore de le savoir. Mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à deux doigts de tes pieds, et que la simplicité réside dans l'alcôve bleue et jaune et mauve, et insoupçonné de nos rêveries mauves et bleues et jaunes et pourpres et paraboliques et vice-versa. Mais tu dis que le bonheur est irréductible, et je dis, et il dit, que ton espoir n'est pas si désespéré, à condition d'analyser que l'absolu ne doit pas être annihilé par l'illusoire précarité de nos amours, et qu'il ne faut pas cautionner l'irréalité sous les aspérités absentes et désenchantées de nos pensées iconoclastes et désoxydées par nos désirs excommuniés de la fatalité destituée. Et vice versa. Vice versa, des inconnus qui auraient totalement sa place dans la playlist de France Inter, dans Blockbuster sur France Inter. 9h16, premier appel. Oui, allô, bonjour madame. Oui. Tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame. Voilà, donc là, on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Bah, attendez, chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro? Au deuxième appel, l'équipe a eu la présence d'esprit de noter l'adresse. Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, ici la police. On vous appelle comme quoi il serait question, a fortiori, en l'occurrence, d'un viol envers votre femme. Oui. Allô? Salope, t'as appelé les flics! Non, excusez-nous monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. 11h13, un voisin a ouvert la porte. À quel étage? C'est au premier étage. J'ai appuyé, chef? Ah, j'ai appuyé. Alors? Marche pas? Je crois qu'il y a tous les coups, il y a tant pas. Ouais. 11h33, nos hommes se décident à prendre l'escalier. La police. C'est la police, madame. S'il vous plaît. Ouais. Une heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte. Jessie Varin, ouais. On vient d'entendre ce sketch culte des Inconnus, mais ce qui est absolument effarant, c'est que par le biais de l'humour, ils disent quand même des choses très très claires et qui sont malheureusement toujours d'actualité. Ouais, est-ce toujours que c'est ça le style des Inconnus? Bah complètement, je pense, c'est pour ça qu'ils sont cultes, c'est que je trouve que leur sketch et les thématiques qu'ils abordent sont complètement intemporelles, quoi. Là, par exemple, sur le viol, il est terrible, en fait. Il est terrible, ce sketch. Et pourtant, il est à mourir de rire. Enfin, c'est tous les dysfonctionnements qu'on connaît de la police. J'ai envie de citer aussi sur les hôpitaux, sur la privatisation des hôpitaux, enfin, ouais. Sur les enseignants. Enfin, il y avait plein de choses comme ça, des thématiques complètement sociales, sociétales, qui sont encore d'actualité. Ils ont un point de vue 30 ans plus tard, quoi. C'est du 21e siècle, ça. Ils sont, ouais, progressistes. Ouais, complètement. Même écolo, enfin, c'est incroyable. Mmh. Sans dire on est écolo. Mais... Mmh. Et ce qui est fou, c'est que assez souvent, quand on parle des humoristes un peu phares des Français, on opposait assez facilement les Inconnus aux nuls. Mais en termes de rayonnement et en termes de pérennité des sketchs, c'est incomparable. C'est-à-dire que les nuls, on se souvient de la Cité de la Peur, on se souvient de quelques sketchs qui ont été faits à l'époque de Canal+. Mais les Inconnus, c'est des sketchs qui fonctionnent encore sur des enfants en bas âge aujourd'hui, et au niveau historique, comment on peut distinguer l'un et l'autre? Je sais pas, moi j'ai l'impression que les Inconnus, c'est vraiment le populaire, mais dans le sens le plus noble du terme, quoi. C'est-à-dire qu'ils oubliaient personne, c'est vraiment... Et puis je crois qu'ils avaient un regard hyper tendre aussi sur tous les personnages qu'ils décrivaient, et oui, je crois que c'est vraiment le côté... Toute la société entière pouvait s'y retrouver. J'avais tendance à dire, et pourtant moi mes parents étaient plus la génération début de Canal, donc on était aussi vachement avec les nuls à la maison. J'avais l'impression que c'était un poil plus absurde, un poil plus... Enfin, c'était un poil un peu plus décalé. Et pourtant, les sketchs qui nous restent un peu cultes des nuls, c'est aussi ceux qui sont très populaires, très... Mais je crois que les Inconnus, il n'y avait aucune condescendance, en fait, pour tous les sujets et tous les personnages qu'ils décrivaient. Et je crois que c'est ça, en fait. Ils sont hyper tendres sur Il y a ça. Et puis, je pense aussi que les Inconnus sont plus, justement, quelque chose de profondément hexagonal dans les influences, alors que les nuls sont clairement inspirés de Saturday Night Live, des Zaz, Zucker, Abraham, Zuckerman. Donc, ils ont une culture américaine qui est un peu moins auto-centrée, entre guillemets. Alors que, justement, les Inconnus aimaient vraiment creuser un petit peu dans le sillon des problèmes dont on parlait, les dysfonctionnements sociétaux. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis aux Inconnus de s'installer plus durablement. Et aussi, leurs sketchs ont été ensuite mis sur Internet. Et c'est vrai que cette position-là a fait que derrière, ça s'est transmis plus facilement au niveau générationnel. Ce que les nuls n'ont pas fait, parce qu'ils s'en foutaient un peu, je pense, tout simplement. Et donc, oui, on se rend compte que, justement, c'est plus simple de transmettre ça via ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire Internet. Et si ça marche sur des personnes 30 ans plus tard, ouais, qui ont 15 piges, c'est toujours signe de quelque chose d'assez, ouais, marquant, évidemment. Hugo Alexandre, avec les inconnus, on aborde vraiment l'idée d'un humour populaire qui parlerait à l'ensemble des Français. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, cette séparation entre un humour dit populaire et un humour un peu plus branchouille qui va peut-être plus plaire à Paris, mais qui aura du mal à passer le périph. Ouais, ça c'est le clivage avec les nuls. Il y a un autre truc que je voudrais dire sur la différence entre les nuls et les inconnus, c'est qu'en fait l'émission qui faisait la télé avait pas du tout le même format. C'est-à-dire que les inconnus, ils ont fait 7 émissions sur 3 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient, c'est peu, hein, finalement. Ouais, ils avaient 3 à 6 mois pour préparer une émission d'une heure. Et en fait, ils ont pris le temps d'écrire, de jeter des sketchs qui marchaient pas, d'écrire des belles chansons. Celle qu'on vient d'entendre, ça pourrait être du RE, même en fait, s'il n'y avait pas des paroles complètement con par-dessus. Je me désolidarise de ça. Hein. Je tiens à le dire aux auditeurs. Ouais, ouais, bon, je m'emporte un peu. Mais, non, mais je veux dire, en tout cas, ils ont beaucoup travaillé sur leurs sketchs et essayé de pas raconter n'importe quoi dans leurs sketchs, alors que les nuls, c'était plus... C'est-à-dire, ils pissaient de la blague, en fait, les nuls. C'est-à-dire, s'il y avait un bon sketch sur 5, ils étaient contents. Et en fait, c'est pour ça qu'au final... Enfin, c'est ce que Farouji raconte, c'est que okay. C'est que c'était pas grave d'avoir des ratés, parce qu'il fallait de la quantité. C'était une émission hebdomadaire avec une heure de gag, quoi. Non, je dis, les inconnus se faisaient plaisir, c'était réglé comme du papier à musique, mais dans cette orfèvrerie-là, ils se faisaient plaisir aussi en se piégeant, en se déstabilisant, ça qui est beau, ça a rajouté une couche. Je pense aussi que c'est 3 personnalités très différentes et qui n'ont pas forcément justement les mêmes avis politiques, et donc du coup, c'est pas un message qu'ils délivraient dans leur sketch, mais plus c'était un angle, un regard sur la société... Un regard d'artiste en fait sur la société, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est universel, c'est que on n'assène pas un message à toute force, c'est plus des artistes, des oui, avec des sensibilités qui différentes. Et d'ailleurs, c'est vrai, vous faites bien de le dire, le fait que Pascal Légitimus est en fruit aussi d'un métissage dont il a parlé un peu plus tard, il avait forcément, et de par sa couleur de peau, il avait forcément un point de vue qui était vraiment aussi très différent pour l'époque, parce que c'était quand même un paysage majoritairement blanc, et les inconnus avaient dans leur groupe un humoriste noir, et moi je sais qu'en tant que métisse, c'est quelque chose qui a tout de suite une sensibilité particulière pour moi, une résonance, parce que sa voix donnait aussi accès à tellement d'autres sujets et à une autre représentation. Aujourd'hui on est habitué de voir des gens d'origine asiatique, antillaise, africaine s'exprimer sur scène. À l'époque, c'était Michel Leb. Hein. Enfin, on sortait de ça. Donc, il y avait aussi cette représentation française qui était plus grande chez les inconnus que chez d'autres, en fait. Mais dans Les Trois Frères, il l'aborde. Oui. Il parle de racisme, clairement, sans le nommer, mais c'est là, quand même. Oui, tout à fait. Et au niveau musical, parce que là on a écouté une chanson, mais là j'aimerais m'adresser à Dedo, parce que ce que vous faites avec Princesse Leia, avec ses chansons humoristiques, on est dans une sorte de filiation directe avec ce qui avait pu être fait dans un autre genre musical. Ouais, bien sûr, mais complètement. Je pense que de toute façon, c'est une bonne façon de rentrer encore plus dans le cœur des gens. Je parle pour les inconnus, en tout cas, d'avoir des chansons marquantes et drôles. C'est des choses qui se partagent partout, et la force de cette époque-là, en plus, c'est que la télé des inconnus qui passait sur Antenne 2 à l'époque était massivement regardée. Il y avait quasiment 10 millions de spectateurs par émission. Si je dis pas de bêtises, c'est complètement fou. Et que moi, je me rendais compte parce que quand on était au collège, le lendemain, les chansons déjà commençaient à tourner à travers les élèves, ce qui est le signe ultime de on a tapé juste. Donc oui, la musique et les parodies et même les chansons drôles de base sont un des vecteurs de l'humour qui est très puissant. Bah justement, on va écouter Les Raptous, une chanson qui aurait valu aux inconnus un contrôle fiscal chacun. Génial. Comme quoi, en 91 déjà, on pouvait plus rien dire. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus. On te reçut, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. penser à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages. Nous sommes le sac. Nous sommes les frères qui rappent tout. Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Un pot fiscaux, un pot locaux, un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier, un pot rentier, un pot sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thunes. Un pot sécheresse, un pot richesse, un pot nouveau, un pot rétro, un pot recto, un pot verso, un pot sur le revenu, un pot sur les revenants. Le SAF, Cancras et Carvalhas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire, IFA, impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé, cotisation complémentaire de 0,1%, contribution sociale de solidarité. Majoration relevée, charges sociales et plus-values, cotisation pré-retraite, cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé. Des pitons, des ronds, des actions, des cicaves, ton liquide, tes pourliges, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes napos, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as su et de ton front, on te sucera jusqu'au front. Saf, Cancras et Carvalhas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Nous sommes Saf, Cancras et Carvalhas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. Salut, TVA, bien. Nous sommes Saf, Cancras et Carvalhas, qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tous. Nous comprenons votre douleur, c'est une triste disparition, mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Les raptous des inconnus, Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus. Inter. Et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et on étire, et on étire. Blockbuster. Attention, on va fléchir. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Frédéric Sigrist. Merci, on va peut-être passer à la cuisine. Les inconnus font partie du panthéon des humoristes français, mais finalement, celui qui a eu les mots les plus durs contre eux, eh bien, c'est leur ex-producteur, Paul Lederman. Les inconnus, il aime plus. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Je regrette de les avoir rencontrés. Et ils s'appelaient les 4 quarts à l'époque. Je regrette de les avoir rencontrés parce que humainement, j'avais eu la chance d'avoir des artistes comme Claude, comme d'autres, comme Coluche, comme Thierry, qui humainement ont été absolument... On s'est disputé hein, avec eux. Qui ont été merveilleux humainement, et là je suis tombé sur des gens qui humainement n'ont pas été à la hauteur. Voilà. Humainement ou contractuellement? Il n'y a pas de contractuel. Ils ont toujours été libres de faire ce qu'ils voulaient. Écoutez, je préfère ne pas en parler. C'est un moment très très très très triste de ma vie. Et ils continuent donc, je ne dirai rien sur eux. Vous savez, il y a des gens qui sont des génies et qui humainement sont à chier. Hein. Un mauvais moment à passer. Ouais, effectivement, il n'en a rien dit sur eux. Hein. Alors, on sent quand même que quand un producteur dit en général « il n'y a pas de contractuellement », c'est quand même mauvais signe, c'est un peu drapeau rouge. On est d'accord, non ? Oui, ça me paraît dingue que... Mais on sent que c'est l'ego qui parle un petit peu. Oui, hein, on sent la blessure d'ego. Ouais. Et Hugo Alexandre, est-ce que vous savez ce qui s'est passé exactement entre eux? En fait, tout ce qu'on sait, c'est ce que les uns et les autres ont dit. Ils se contredisent un peu, donc on ne sait pas trop exactement. Mais a priori, c'est quand ils ont voulu faire Les Trois Frères, ils n'arrivaient pas trop à vendre le film à des producteurs. Et Paul Lederman leur a dit, on signe pour trois films, il y en a bien un qui va marcher sur le lot. Et donc, ils ont signé pour trois films, sauf que Les Trois Frères, ça a fait 7 millions d'entrées, ça a été un carton. Et il semblerait qu'à partir de ce moment-là, ils aient voulu voler de leurs propres ailes, sans trop faire gaffe à ce que Paul Lederman pensait de ça. Donc, finalement, c'est à partir de là où il y a eu une petite colère, quoi. Ça les a pas empêchés. Enfin, du coup, ils ont continué à faire des films, mais il y a eu que Campan et Bourdon parce que c'est Paul Lederman qui détenait les droits des Inconnus. Oui, parce que si jamais ils étaient tous les trois, c'était marque. Les Inconnus. Exactement. Et donc sans Pascal Légitimus. Donc ils ont fait deux films, Campan et Bourdon, sachant que Les Trois Frères, ça avait déjà été en grande partie écrit que par Campan et Bourdon. Légitimus, il était plus complémentaire et c'était réalisé aussi par eux. Et donc ils s'entendaient bien comme ça, et donc ils ont fait deux films, et ils ont fait 6 ans après Les Trois Frères un deuxième film à trois, coproduit par Paul Lederman, je crois, en plus. Donc après, je sais pas quel était le deal avec Paul Lederman, qui a un peu moins marché que Les Trois Frères. Donc après, je sais pas si c'est Paul Lederman qui les a empêchés de faire un troisième film, enfin on sait pas exactement, mais en tout cas je pense pas que ça a cassé dans l'œuf leur carrière non plus, quoi. Après, les deux films suivants ont correctement... Surtout le Paris a fait 4 millions d'entrées. Il y avait eu 7 millions pour Les Trois Frères. L'Extraterrestre a beaucoup moins bien marché, mais parce que qualitativement, c'est quand même clairement en dessous. Ouais. Et après, il y a eu donc Les Trois Mages, qui a été donc ce film-là, après co-réalisé avec Lederman, ce que je ne savais pas. Co-produit. Et c'est vrai qu'après, ils ont réussi à... Ils étaient tellement rentrés dans le cœur des gens, effectivement, que presque 20 ans après, du coup, ils donnent une suite aux Trois Frères... Qui marche aussi relativement mais bien. Qui s'est fait descendre par la critique, mais qui a quand même fait des scores d'entrée au regard des films et des comédies. 2 millions, je crois. C'est énorme. Le premier Trois Frères s'était aussi fait descendre par la critique. De toute façon, ça, c'est une constante souvent dans les comédies françaises. En général, la critique n'aime pas. Surtout très attendu, c'est comme en amour. Plus on attend, plus on est déçu. C'est ça, pourquoi oui, aussi. Ça non, mais c'est bien, on avance, Christine. Dans cette thérapie de groupe. Non, mais c'est très, très bien, vraiment. Et alors, tout à l'heure, Hugo Alexandre, vous disiez que pour préparer une émission, on leur laissait 6 mois, c'est ça? 6 à 7 mois? En fait, c'était pas régulier, mais c'est entre 3 à 6 mois, ouais, l'intervalle entre plusieurs émissions. Grosso modo, ils proposaient une émission à Antenne 2. Quand ils se sentaient prêts. Alors je sais pas comment ça se passait exactement contractuellement justement, mais en tout cas oui, ça s'est diffusé sur 3 ans et pas forcément des intervalles réguliers. Alors là, je m'adresse aux humoristes qui ont l'habitude sur différents supports, à la radio pour Christine, sur scène pour Dedo, de fournir énormément à différentes époques avec le Jamel Comedy Club ou à la radio pour Christine. Vous n'avez pas voulu dire le nom de ma radio? Si, je crois, bien sûr, si, Europe 1. Europe 1. Non, moi je peux le dire, non, il n'y a pas de souci. Vous savez, Blockbuster, c'est une sorte de microcosme au sein de France Inter où on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on passe des trucs en japonais, donc on peut parler d'Europe 1 aussi. Hein. Et en fait, on est vraiment sur aujourd'hui dans une ère d'énorme exploitation des humoristes où on nous demande de fournir des textes, mais on est sur un rythme complètement différent de celui sur lequel ont pu être les Inconnus. Ce qu'on demande aujourd'hui à des gens sur des antennes ou des chroniqueurs, c'est le triple, si ce n'est le centuple de ce qu'on demandait à ces gens-là à cette époque. Ouais, je pense que Christine pourra en parler au niveau des chroniques. En tout cas, c'est vrai que il y a une demande qui tient de l'hebdomadaire qui est assez folle. Mais parce que effectivement, maintenant, on a galvaudé le terme, mais c'est vrai qu'on consomme du rire. Il y a beaucoup de gens qui disent on consomme du rire, et c'est vrai. Du coup, il y a une surproduction, et c'est vrai qu'il faut tenir le rythme sur certaines choses. Alors après, soit on décide de rentrer sur des médias qui demandent ça, et du coup, on est obligé de tenir cette cadence. Soit on décide d'avoir des projets un peu parallèles qui permettent d'avoir un peu plus de temps, mais qui sont peut-être moins visibles ou visionnés. Donc c'est deux écoles différentes. Après, moi, je pense que le leg des Inconnus, par rapport à, en tout cas par rapport à la télévision, se fait, enfin, ça, Pour moi, le Palmachot, ça a été ceux qui ont le mieux fait ça par rapport aux Inconnus. Qui ont pu justement être sûrs de la télé, qui ont réussi à faire de la parodie et entre autres des sketchs aussi, tous très très bons. Et c'est, pour moi, c'est les dignes successeurs des Inconnus à ce niveau-là, dans cette forme-là. Et eux sont très impressionnants. Et ils ont aussi tapé dans le cinéma avec Max et Léon, donc la filiation, elle est assez, assez logique. Jessie Varin, en tant que directrice de salle, est-ce que vous avez vu changer le milieu de l'humour entre la manière de concevoir les sketchs à l'époque des Inconnus et aujourd'hui ? Bah, il y a quand même... Enfin, la manière dont les Inconnus faisaient leur... Alors, c'est marrant parce que du coup, on était un peu trop petits, enfin, ma génération un peu trop petits pour les avoir vus sur scène. Donc moi, j'ai jamais vu les Inconnus sur scène. Je les connais vraiment à travers la télé. Et la tradition du sketch, comme eux pouvaient le faire, et aussi la tradition du trio ou du duo sur scène, existe quand même définitivement presque plus, hein. Enfin, le duo encore, mais en tout cas le trio, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur scène. Et ben non, mais c'est aussi aujourd'hui un peu l'ère plus du stand-up et du micro seul sur scène. Et avec et même le personnage, sur la tradition du sketch et donc du personnage, on voit ça de moins en moins. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que c'est une autre manière de s'exprimer. Ça fait aussi, je trouve, c'est une manière aussi de dire énormément de choses. Voilà, déguisé, le stand-up, c'est un peu plus frontal. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a une accroche beaucoup plus directe avec le public, avec l'humour, plus vrai. J'ai l'impression aussi que les artistes incarnent un peu plus ce qu'ils sont et que finalement, leur humour, c'est aussi une partie d'eux et leur message et ce qu'ils ont vraiment envie de délivrer au monde. C'est pour ça que je trouve que chaque humoriste aujourd'hui a une importance dans les thématiques abordées et le message qu'ils veulent véhiculer. Et les Inconnus, bah, c'est marrant parce qu'on parle d'eux depuis tout à l'heure en disant que c'est vraiment culte. Tu parlais du Palmachot sur la tradition télévisuelle, ouais. Mais ce qu'ils ont fait aujourd'hui au théâtre, on le voit vraiment plus. Je me dis peut-être que c'est un truc à penser, tu vois, un vrai trio humoristique avec du sketch à personnages sur scène. Peut-être que les gens auraient envie de voir ça, je me dis. Mais oui, ça a quand même pas mal évolué maintenant, l'humour, je trouve, sur scène. Je vois la fin d'émission pointer le bout de son nez, mais avant cela, on écoute les Sparks avec So May We Start. Cette émission est réalisée par Céline Hila, assistée par Véronica Meyer. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac. Et aujourd'hui, Adèle Caglar à la technique et Vincent Godard au mixage. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still it's not enough. So may we start. C'était les Sparks, So May We Start dans Blockbuster sur France Inter. Alors on va commencer avec Jean-Pierre. Une première question pour Ingrid. Jean-Pierre, allez-y. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises ? Oh là ! Non. Jean-Pierre, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure. Il faudrait que je lise l'affiche. Oui, l'affiche. Allez-y. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies, Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. On a compris. Alors, Ingrid, vous avez compris la question. Quel genre de film préférez-vous, donc, hein? En fait, disons que je n'ai pas de préférence. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film. Et dans ce domaine, je suis pour l'éclectisme. Très bien. Alors, Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Parfait. Une question pour Nathalie. C'est ça, Jean-Pierre, bravo. Nathalie, est-ce que tu es très pour l'éclectisme? Bah, c'est-à-dire l'éthétisme, j'en ai fait, oui, quand c'est jeune, du son en longueur, tout ça, mais là, j'ai arrêté, c'est fatigant, l'éthétisme. Parfait, vous êtes satisfait, Jean-Pierre? Oui, j'étais satisfait de la réponse. Ce qui est magique en entendant ce sketch, c'est que c'est des ficelles que désormais tout le monde connaît, c'est-à-dire, voilà, les gens qui prononcent mal les mots, etc., mais... le public est authentiquement mort de rire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit que désormais le stand-up avait vraiment fait son nid en France. Mais les humoristes les préférés ou les plus populaires en ce moment, toujours en France, c'est les Baudins, deux personnages, les Chevaliers du Fiel, des personnages. Est-ce qu'il n'y a pas véritablement deux mondes parallèles en termes d'humour entre ce qu'on peut entendre sur France Inter ou dans les comédie clubs un peu partout à Paris et ce qui marche dans le reste de l'Hexagone? Parce que moi je le sais, je suis bien placé pour le savoir parce que ma mère n'est pas une grande cliente de ce que je fais. mais je sais qu'elle adore les Chevaliers du Fiel, elle adore les Inconnus. C'est vraiment son type d'humour. Et quand on s'est retrouvés tous dans des festivals et des plateaux, on se rend compte que des fois on arrive comme ça avec sa forme d'humour peut-être plus moderne et on va pas se prendre un bide, mais à côté il y a quelqu'un qui arrive avec un personnage et qui rafle la mise. Donc comment on explique ces deux mondes parallèles, Hugo Alexandre? J'aimerais bien avoir votre point de vue en tant que spectateur. Je pense que c'est une question de mode et il y a des cycles qui reviennent ou qui reviennent pas d'ailleurs. Et ça fait longtemps qu'il y a du stand-up, mais je vois repoindre des personnages post-modernes, des gens comme Monsieur Fraisse, par exemple, qui s'amusent avec la notion de personnage et qui mélangent ça avec la représentation et tout. Et donc, du coup, peut-être qu'il est peut-être le fer de lance d'un nouveau genre et peut-être qu'il va drainer de nouveaux types de personnages et puis que finalement, les personnages à l'ancienne, type les Inconnus vont revenir, c'est possible. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que effectivement tu parlais de cet exemple là qui est assez marquant pour Monsieur Fraisse, mais j'ai l'impression que en tout cas pour cet angle là c'est surtout quelque chose qui se rapproche du clown, un peu comme les Chiches Capons pour ceux qui connaissent, où on est dans une sorte de forme complètement décomplexée de personnages qui font n'importe quoi. En l'occurrence Monsieur Fraisse, pour ceux qui connaissent pas, qui joue vraiment sur les silences et un espèce de personnage lunaire, on sait pas pourquoi il est là et même lui ne sait pas, donc du coup ça devient très drôle. Et les Chiches Capons qui sont un peu des clowns punk, mais je me demande si justement il y a une possibilité pour que du sketch pur, comme on faisait, bon, on parlait des Inconnus justement, a encore une forme sur une population plus jeune, en tout cas, de succès potentiel. Ça, c'est une vraie question qu'on se posait d'ailleurs en antenne. Un trio qui pourrait revenir aussi fort. Je me demande quelle pourrait être la forme qui pourrait marier tout le monde. C'est-à-dire que les Baudins, c'est quand même une population qui est un peu plus âgée, même si c'est ceux qui remplissent le plus en France, ça c'est clair. Mais un truc qui puisse être fédérateur sur tous les âges et qui puisse être. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes aussi chez les Baudins. Ça ne plaît pas qu'aux parents. Alors peut-être que c'est les parents qui emmènent les enfants, mais... Mais il y a un truc un peu comme les vampes, un peu du déguisement, qui tient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, un peu la perruque et la moustache, quoi, qui continue de plaire à beaucoup, beaucoup de gens. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion de vitesse aussi? Parce qu'un personnage, ça prend aussi du temps à s'installer, ouais, ce que je veux dire. Et cette génération TikTok qui a l'habitude, bam, il faut que quelqu'un arrive avec un micro et fasse une vanne et un propos et tout, alors que le personnage, il va mettre du temps, va s'attacher tout doucement, il faut quand même quelques minutes pour que ça se mette en place. Et sur scène, ça peut être long, des minutes. Donc alors, est-ce que aussi c'est une question de génération? Ça se tient, et en même temps, je viens d'avoir un contre-exemple dans tout ce qu'on dit, c'est-à-dire Élodie Pou. Élodie Pou fait du personnage, et ça cartonne. Donc il y a effectivement encore une possibilité de faire du personnage, peut-être dans la thématique et dans le traitement un peu plus moderne, qui va marier un petit peu tous les publics. Parce que ce qui marche le plus, ça reste un peu le comique d'observation et le truc qu'on peut s'identifier très rapidement à ce que vit le personnage ou à ce qu'il dit. Et en même temps, les Baudins, tout le monde ne vit pas dans un monde extrêmement rural, tu vois, en mode vieux garçon. Donc c'est le succès populaire des Baudins par rapport à, tu vois, moi aussi, j'étais en train de réfléchir de manière très spontanée en disant, mais c'est aussi parce que on va avoir des gens qui nous ressemblent, parce que justement, ça nous interroge sur nos propres, névroses ou quoi qu'est-ce. Mais et pourtant, les Baudins, non, finalement, ça doit parler à une toute petite niche. Il y a peut-être le côté clownesque, tu vois, le... Et en regardant justement les certains sketchs des Inconnus et les spectacles des Baudins, là où je vois une forme de similitude, c'est dans cet aspect bon sens près de chez vous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de philosophie épurée qui est, écoutez, faisons fi de ce qu'on nous raconte, à droite et à gauche, un chat est un chat, un chien, et moi je vous dis les choses comme elles sont. Il y a un côté un peu brut de décoffrage qui plaît aux gens en fait. Et est-ce que c'est pas finalement ce côté pur dans la philosophie et dans l'analyse qui crée l'adhésion du grand public? Oui, ça serait un peu l'ennemi du cynisme, un peu. C'est-à-dire que là où un humoriste va être un peu intellectualisant, Genre, je suis plus malin que tout le monde, en fait, chez les Baudins, il y a ce côté, mais moi je suis au même niveau, et voilà, les choses sont comme ça. Oui, et du coup, ça touche d'autant plus de gens, par la force des choses. Ouais, vu qu'on parlait tout à l'heure de sphère parisienne pour certains spectacles, effectivement, ce qui cartonne à Paris ne va pas forcément cartonner partout en France et vice-versa. Mais les deux publics peuvent cohabiter. Et c'est vrai que, si on doit parler des Baudins, le point de vue de toute façon d'une population qui est un peu plus âgée, parce que les personnages sont un peu âgés, et qui est en plus en décalage avec ce côté un petit peu qui est en rural, donc qui a une vision différente, fait que cette confrontation-là doit faire que beaucoup de gens s'y retrouvent et disent « Ah ben oui, mais je pense la même chose, c'est exactement comme moi. » Et cette représentation là, du coup, elle doit faire qu'elle fédère fort. Hugo Alexandre, est-ce qu'une comédie réussie, c'est une comédie qui, pour schématiser, dit tout haut ce que plein de gens pensent tout bas mais ne le savaient même pas? Non, je dirais pas ça. Et justement, je pense qu'on peut faire un lien avec ce qu'on disait précédemment, c'est que ce qui est fort dans la télé des Inconnus et ce qui est fort dans Les Trois Frères, alors que c'est pas vraiment le même genre de... C'est une parodie, la télé des Inconnus, alors que Les Trois Frères, c'est un film social, etc. Et ce qui est fort chez eux, c'est les personnages qui sont incarnés. Et ce qui est fort dans Les Trois Frères, c'est que en fait, ils avaient jamais vraiment, à part Le Téléphone sort toujours deux fois, qui est un film un peu particulier, ils n'avaient jamais écrit un personnage sur une heure et demie. Et en fait, ils se sont inspirés de leur personnalité à eux. C'est pour ça que leur personnage s'appelle Didier, Bernard et Pascal. Et du coup, ça les rend tout de suite plus humains et on a envie de les suivre, on s'attache à eux, on reconnaît des vrais traits de vraies personnes. Et à partir du moment où on suit un personnage et on s'attache à lui, on a envie de voir ce qu'il advient de lui, je pense qu'on peut véhiculer un peu le message qu'on veut. D'ailleurs, il faut pas essayer de véhiculer un message, je pense. Mais en tout cas, on peut raconter des histoires et le spectateur est déjà embarqué, donc va avoir plus de facilité à accepter ce qu'on lui montre. Donc je pense vraiment que c'est le nerf de la guerre, c'est le personnage. Quoi. Le personnage et pas forcément vouloir véhiculer... Je pense. D'autant que je parlais d'écologie tout à l'heure avec le sketch des chasseurs, c'est vrai que en fait, ils réconcilient les anti-chasses et les pro-chasses. Mais c'est incroyable, c'est une prouesse quand on sait à quel point ce sujet est clivant. C'est de la magie à ce moment-là. Tout à fait. C'est la fin de cette émission consacrée aux Inconnus. Christine Berrou, Jessie Varin, Dedo, Hugo Alexandre, merci. Merci. Je tiens à remercier également Sabine Dahuron et Clary Monac du service documentation de l'INA. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter en parlant directement avec moi avec le hashtag BlockbusterEFI. Le mauvais chasseur, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Le bon chasseur, il voit un truc, il tire, mais c'est un bon chasseur. Hein. Lundi, dans Blockbuster. Une femme puissante qui n'a toujours pas été interviewée par Léa Salamé. Une île uniquement peuplée par des femmes depuis l'Antiquité. C'est dire si ça fait longtemps que les mecs sont des gros relous. Une super-héroïne qui n'a pas les points faibles de Superman. Qui est bien plus puissante que Batman. Mais qui n'a eu droit qu'à deux films. Dont un tout pourri. En 80 ans. Une guerrière qui vole dans un avion invisible. Soit ça, soit elle n'ose pas dire qu'elle s'est volée. Lundi, on parle de Wonder Woman. France Inter.